Situation 2. Allô Thomas ? C'est Alice. Comment ça va ? Excuse-moi Alice, mais moi c'est Laurent. J'appelle Thomas tout de suite.